shit, shit, tout commandité à l'arrière. Rien, rien, rien à branler de la police. Shit, shit, shit, tout commandité à l'arrière. Rien à branler de la police municipale. J'ai tout commandité à l'arrière du minivan. Sur mes billets y'a pas toujours une filigrane. J'suis masqué, tu ne verras pas mon ultime visage. Ni la couleur fluo de mon urine si sale. C'est une succursale de l'enfer que tu visiteras. Je dois les baiser de manière subliminale. J'peux pas m'empêcher de faire des multisyllabes. Cancer original, j'fume de la médicinale ou du triple filtré critical. Sapé comme un mafiosi irritable, lyrical, Cyril Gann. J'vais écraser ces MC minables en physique, en streaming et en digital. Tu sais que c'est moi-même mon pire rival. J'veux graver mes initiales et atteindre mon objectif final. La cocaïne sinale, pour certains c'est un produit vital. J'entends mes ennemis qui râlent, ils ne méritent même pas le minimal. Depuis le cordon ombilical, c'est écrit que ça va finir mal. Roule sur la piste cyclable, avec une hernie discale. Écoute ce que dit l'imam. Écoute, nos sœurs ont mis le niqab. L'empereur n'a pas besoin de certificat. J'suis posé au calme à Bercy village. Comme un gamin, c'est bien moi qui ricane. Tu perds toujours, c'est mon équipe qui gagne. C'est dans un lactiprinal que je vais barboter. Lorsqu'un homme vire, il bat. Toi, tu fais que marmonner. Moi, je fais que charbonner. Je récompense mes abonnés. Avant de m'évaporer dans la nature, on te vendra de la pure comme Gérard Forêt. Je vais plus jamais pardonner. Je cherche la fleur aux pétales dorés. On mène une vie de pirate. Les orifices dilatent. Rien à branler de la police municipale. J'ai tout commandité à l'arrière du minivan. Sur mes billets, y'a pas toujours une filigrane. J'suis masqué, tu ne verras pas mon ultime visage. Ni la couleur fluo de mon urine si sale. C'est une succursale de l'enfer que tu visiteras. Je dois les baiser de manière subliminale. J'peux pas m'empêcher de faire des multisyllabes. C'est dans l'ombre que les scientifiques taffent. Très vite j'ai pris le virage. J'suis technique tout comme Zinedine Zidane. J'ai des choses illégales cachées dans le slip qui me gratte. Esprit criminal, un peu comme au Michigan. Tout peut devenir viral. On est passé de rien au milligramme. D'un stick à un petit 10 balles. Les fillettes se transforment en Nikita. J'attends que le signal avant d'attaquer comme une petite migale. Perdu dans le rips viral. On se tue pour moins de 10 000 balles. Pour à peine 1000 dirhams. Pas le temps pour les comptes de fourmis cigales. La nuit je visite Pigalle. Cette pute sur sa cuisse a un signe tribal. Je veux toucher le milliard et mener la vie du prince William. Y'a toutes sortes de filiales, d'entreprises familiales. Rien à branler de la police municipale. J'ai tout commandité à l'arrière du minivan. Sur mes billets y'a pas toujours une filigrane. J'suis masqué, tu ne verras pas mon ultime visage. Ni la couleur fluo de mon urine si sale. C'est une succursale de l'enfer que tu visiteras. Je dois les baiser de manière subliminale. J'peux pas m'empêcher de faire des multisyllabes.